الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. أمام ألم المصيبة قل يا رب. Devant la douleur du malheur ou du mal qui te touche, dis ô mon Seigneur. أمام ظلم العباد قل يا رب. Devant l'injustice venant des serviteurs ou des créatures qui peut te toucher, dis, ô mon Seigneur, فَإِنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ مُجِيبٌ. Parce qu'il voit tout, il entend tout et il exauce les prières. وَعَادِلٌ وَرَحِيمٌ. Et il est juste et en plus, il est miséricordieux. إِذَا قُلْتَ يَا رَبِّي. Quand tu dis, ô mon Seigneur, قَالَ لَكَ اللَّهُ نَعْمْ يَا عَبْدِي. Dieu te répond, oui, mon serviteur. إِذَا قُلْتَ لِلَّهِ يَا رَبِّ قَالَ لَكَ اللَّهُ نَعْمْ يَا عَبْدِي. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلِيُّ الصَّالِحِينَ. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. سرقت امرأة شريفة. Une femme noble a volé. وقال الناس من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تقطع يدها. Et les gens se sont interrogés, qui peut parler en sa faveur avec le prophète, prière et salut sur lui, afin qu'il ne lui coupe pas la main. ثم قالوا, par la suite ils dirent, لا يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. À la fin ils ont dit, personne ne peut oser faire ceci à part Usama, fils de Zayd, le bien-aimé du messager de Dieu, prière et salut sur lui. فكلمه أسامة. Et Usama, que Dieu soit satisfait de lui, lui a parlé ou a parlé avec le prophète, prière et salut sur lui, à propos de cette femme. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام, le messager de Dieu, prière et salut sur lui, dit, يا أسامة, ô أسامة, أتشفع في حد من حدود الله. Intercèdes-tu à propos d'une peine légale parmi les peines imposées par Dieu? ثم قام. Par la suite, il se leva. فقال للناس. Et il a parlé avec les gens. إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. La chose qui a anéanti les gens qui vous ont précédé, c'est le fait que lorsque le noble parmi eux volait, on le laissait. وَإِذَا صَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُ عَلَيْهِ الْحَدِ. Mais lorsque le faible parmi eux volait, on appliquait sur lui la peine légale. وَأَيْمَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. Par Dieu le Très-Haut, dans le cas où Fatima, fille de Muhammad, ça veut dire ma fille, vole, je lui couperai la main. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. L'islam, la ya'rifu al-hasan, l'islam ne connaît pas ou ne reconnaît pas l'immunité. La farqa bayna al-sharif wa al-da'if. Il n'y a aucune différence entre le noble et le faible. La farqa bayna al-ghani wa al-faqir. Il n'y a aucune différence entre le riche et le pauvre. Al-kullu sawasiyatun amama al-adala. Ils sont tous égaux devant la justice. واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الامين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. قال صلى الله عليه وسلم. Il dit, prière et salut sur lui. القضاة ثلاثة. Les juges sont au nombre de trois. Wahidun fil jannah, un sera dans le paradis, un parmi les juges. Wa ithnani fil nar, et deux seront dans l'enfer. Al-thuluth min al-qudat yadkhulu ila al-jannah. Le tiers des juges seront dans le paradis. Wa thuluthan fil nar, et les deux tiers dans l'enfer. Fa amma alladhi fil jannah, en ce qui concerne celui qui sera dans le paradis, farajulun arafa al-haq faqada bihi, un homme qui a connu le droit et il a jugé selon lui. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ. Il y a un homme qui a connu le droit et il a jugé par injustice. Il sera dans l'enfer. وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ لَا يَعْرِفْ حَتَّى الْحَقِّ هُوَ قَاضِي وَلَكِنْ جَاهِلٌ فَهُوَ فِي النَّارِ. Et le troisième homme qui a jugé entre les gens mais par ignorance, il sera lui aussi dans l'enfer. Rawahu Abu Daoud wa Tirmidhi wa Ibn Majah, rapporté par l'imam Abu Daoud, l'imam At-Tirmidhi et Ibn Majah. Sayyid Amir al-Anbiya, sallallahu alayka adada nujum al-sama, maître, émir des prophètes, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, au nombre des sables du désert, wa awladi adama wa hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawatu fil islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habibi Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. Sana'ishu al-yawma Islam. On va vivre aujourd'hui avec la justice en islam. L'islam dinul adala. L'islam est une religion de justice et d'équité. Falwaylu kull alwayli lidh-dhalimin. Malheur. Et par la suite un autre malheur aux injustes. Qala Allah fi hadithin qudsi. Dieu dit dans une parole sainte: Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi. Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, ça veut dire à moi-même, wa ja'altuhu baynakum muharraman, et je l'ai rendu interdite entre vous, fala tadhalamu, que les uns parmi vous ne soient pas injustes à l'égard des autres. Rawahu Muslim wa at-Tirmidhi wa Ibn Majah, rapporté par l'imam Muslim, l'imam at-Tirmidhi et Ibn Majah. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, prière et salut sur lui, dit: "Al-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah." L'injustice deviendra des ténèbres le jour de la résurrection. Muttafaqun alayhi, unanimement authentique. Ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat, mes frères et mes sœurs, ismahou li an usafira bikum ila al-Madina al-Munawwara. Permettez-moi de vous faire voyager vers la ville des Lumières, Médine. Fi zaman an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du prophète, prière et salut sur lui, li nutabi'a qissata Tu'ma ibn ou Ibn Ubayriq, afin de suivre l'histoire de Tu'ma, fils de Ubayriq. Wa huwa min al-Ansar, min Bani Zafar. Il fut partie des Ansar, et exactement de la tribu Banu Zafar. Saraqa dir'an li jarihi Qatada ibn Nu'man. Il a volé un bouclier de son voisin Qatada, fils de Nu'man. وقد خبأها في جراب دقيق, et il l'a caché dans un sac de farine. فجعل الدقيق ينطفئ, et la farine pendant le chemin tombait. Il y avait plusieurs grains de farine qui tombaient pendant le chemin. وخبأها عند يهودي, et à la fin du chemin il l'a caché auprès d'un juif. فالتمسوا الدرع عند طعمة فلم يجدوها. Ils ont cherché le bouclier auprès de Tu'ma, le voleur, et ils ne l'ont pas trouvé. وحلف طعم بالله ما أخذها وما له به من علم. Et Ta'ma a juré par Dieu comme quoi c'est pas lui qui a pris le bouclier et il n'est pas au courant de sa place où il se trouve. وكان طعمة من المنافقين حسب العلماء. Et Ta'ma fut parmi les hypocrites selon les savants. فساروا في أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي. Ils ont suivi les traces de la farine jusqu'au point d'arriver devant la maison du juif. فأخذوها. Et ils ont pris le bouclier. فقال اليهودي. Le juif dit دفعها إلي طعمة. C'est طعمة qui me l'a donné. وشهد له ناس من اليهود بذلك. Et des gens parmi les juifs ont témoigné en sa faveur. ولكن طعمة أنكر ذلك. Mais طعمة a contesté cela et a renié ceci. فما العمل? Que faire? فذهبوا إلى القاضي العادل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ils se sont dirigés tous par la suite vers le juge équitable, le prophète, prière et salut sur lui. وطلب بنو ظفر قوم طعمة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادل عنه وهم من المسلمين. Et la tribu de Banu Zafar, les gens de Ta'ma, les proches de Ta'ma, ont demandé aux, qui étaient des musulmans, ont demandé au prophète, prière et sage lui, de défendre leur ami. وقالوا له إن لم تفعل هلك صاحبنا وبري اليهودي. Ils lui ont dit, dans le cas où tu le défends pas, il va perdre sa main et le juif sera innocenté. وأمام الدليل وأمام القسم. Devant l'argument, la farine qui allait, les traces de farine qui allaient jusqu'à la maison du juif, et devant le serment accompli par Ta'ma, amma an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an yaf'al wa yahkum li salih 'uqba. Le prophète était sur le point de défendre le musulman 'Uqba et de donner un jugement en sa faveur, c'est-à-dire contre le juif. Et il allait punir le juif. Et là apparaît la prophétie de Muhammad, prière et salut sur lui. Avant de livrer la sentence ou le verdict, il y avait la descente du ciel de 9 verset coranique, les tubarri al-yahoudi, afin d'innocenter le juif, ou tujarrim al-muslim, et pour inculper le musulman. Al-aya 105 ila al-aya 113 min sourate an-nisa, le verset, c'était le verset 105 jusqu'au verset 113 du chapitre les femmes. Yaqulu Allah fi awwaliha, Dieu disait au début de ces versets, إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. Nous t'avons descendu le livre en toute vérité et bon droit afin que tu juges entre les gens selon ce que Dieu t'a fait voir. وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. الخائن هو طعمة. لا تخاصم عنه, لا تدافع عنه. يا محمد, لا تدافع عن هذا الخائن المسلم المنافق. ولا تكن للخائنين خصيما. Il ne soit pas l'avocat des traîtres, ça veut dire طعمة. واستغفر الله. Demande à Dieu de t'absoudre. إن الله كان غفورا رحيما. Dieu est constamment absoluteur et miséricordieux. إلى قوله تعالى, jusqu'au verset coranique dans lequel Dieu dit ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل. فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. Celui qui acquiert une faute ou un péché puis les rejette sur un innocent s'est effectivement chargé d'un mensonge effronté et d'un péché évident. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي والحاكم وابن جرير. Cette histoire a été rapportée par l'imam al-Tirmidhi, al-Hakim et Ibn Jarir. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمتخاصمين. Le prophète par la suite disait aux adversaires qui se présentaient devant lui pour le jugement, Ala innama ana bashar. Je ne suis qu'un homme. وإنما أقضي بنحو مما أسمع mais je juge sur parole ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض et il se peut que l'un de vous soit plus convaincant dans ses arguments par rapport à l'autre فأقضي له et je lui donne gain de cause فمن قضيت له بحق مسلم lorsque je prononce une sentence favorable pour quelqu'un afin de prendre le droit d'un musulman فإنما هي قطعة من النار il s'agit uniquement d'une pièce de feu ou une pièce de l'enfer فليحملها أو ليضرها et qu'il la prenne ou bien qu'il l'abandonne c'est-à-dire cette pièce de feu muttafaqun alayh unanimement authentique. L'islam dinul adala. L'islam est une religion de justice. L'islam ma'al adl. L'islam se trouve toujours à côté de la justice. Walau kana al-mazlum ghayra muslim wa al-zalim musliman. Même dans le cas où la victime d'injustice est non musulmane et l'injuste est un musulman. L'islam ma al-adl, l'islam se place toujours à côté de la justice. Walau kana al-zalim amiran wal-mazlum rajulan adiyan, même dans le cas où l'injuste est un grand responsable, est un émir et la victime d'injustice est un homme ou une femme ordinaire. ولننتقل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه et qu'on se déplace maintenant vers l'émir des croyants Omar fils de Al-Khattab que Dieu soit satisfait de lui. اشترى فرسا من أعرابي. عمر يشتري فرس من أعرابي. Omar a acheté un cheval auprès d'un bédouin. وأدى الثمن et il a payé le prix. ثم ركب الفرس et après il monta sur le cheval وافترقا et les deux se sont séparés لكنه لم يبتعد كثيرا حتى ظهر في الفرس عطب mais il ne s'est pas trop éloigné de sa place et rapidement il a repéré une blessure dans le cheval عطه عم وصلت الجري et le cheval était devenu incapable de continuer à galoper. فرجع أمير المؤمنين عمر إلى الأعرابي. Omar, l'émir des croyants, est revenu vers le bédouin. وقال له خذ فرسك فإنه معطوب. Prends ton cheval, il est blessé. فقال الرجل, le bédouin lui dit, لا أخذه يا أمير المؤمنين. Je ne vais pas le reprendre, ô émir des croyants. وقد بعتك الفرس. Je t'ai vendu le cheval. سليما صحيحا je l'ai vendu sain et intact فقال عمر عمر lui dit اجعل بيني وبينك حكما choisis entre moi et toi un arbitre فقال الرجل يحكم بيننا شريح ابن الحارث الكندي je choisis comme arbitre entre nous deux شريح fils de الحارث الكندي فقال عمر رضيت به Omar lui a dit, je l'accepte comme arbitre. وذهب إلى شريح, ils sont partis voir شريح. فوقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى جانب الأعرابي أمام الحكم. Et Omar, l'émir des croyants, que Dieu soit satisfait de lui, s'arrêta à côté du bédouin devant l'arbitre. فاستمع شريح إلى رواية الأعرابي أولا. شريح a interrogé d'abord le bédouin et il a entendu, il a écouté sa version. Et par la suite, il a interrogé Omar, « هل أخذت الفرس سليما يا أمير المؤمنين ?»« Ô émir des croyants, as-tu pris le cheval sain et intact au début ?» فقال عمر نعم. Omar a dit oui. فقال شريح, يا سمو لا لغبيت شريح lui dit احتفظ بما اشتريت يا امير المؤمنين او رد كما اخت. Soit, ô émir des croyants, soit tu gardes ce que tu as acheté, ou bien tu le rends comme tu l'as pris au début, ça veut dire sain et intact. فنظر عمر الى شريح الى شريح معجبا. Et à ce moment-là, Omar a contemplé, a vu, a regardé l'arbitre شريح avec beaucoup d'admiration. وقال, et il lui a dit, وهل القضاء إلا هكذا. La justice ne peut être que comme ça. قول فصل وحكم عدل. Une parole véritable et un verdict équitable. سر إلى الكوفة, يعني بلد مدينة بالعراق, فقد وليتك قضاءها. Tu vas partir à la ville de الكوفة parce que je t'ai nommé un juge pour cette cité. نلاحظ هنا ثلاثة نقاط. On remarque là trois points. اولا, premièrement, ان الاسلام لم يعطي الحصانه لامير المؤمنين عمر خلال فتره حكمه. L'islam n'a pas donné une immunité à l'émir des croyants Omar pendant la période de son règne, رغم انه المسؤول الاول على دوله المسلمين, malgré qu'il fut le premier responsable de l'état d'islam ou l'état musulman. ثانيا, deux, في الاسلام يقف المسؤول الأعلى للدولة بجانب المواطن العادي على قدم المساواة أمام العدالة. En islam, le plus haut responsable de l'État musulman se met à côté du simple citoyen sur le même pied d'égalité devant la justice. ثالثا, le point numéro 3, حرية القضاء في الإسلام واستقلاليته بالنسبة للسلطة السياسية. La liberté de la justice en islam et son indépendance totale par rapport à l'autorité politique. فشريح لم يعطي الحق لعمر. L'arbitre شريح n'a pas donné droit à Omar, ورغم ذلك قبل عمر الحكم بإعجاب كبير. Malgré ceci, Omar a accepté le verdict avec beaucoup d'admiration. هذه هي العدالة في الإسلام. Telle est la justice en islam. وأتساءل كيف كان هذا القاضي الذي اختاره عمر. Je m'interroge comment a été ce juge nommé par Omar et choisi par Omar. الجواب, la réponse, شريح لم يكن صحابيا. شريح ne fut pas un compagnon du prophète, prière et salut. أصله من اليمن. Il est originaire du Yémen. أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. Il a embrassé l'islam à l'époque du prophète, mais il ne l'a pas vu. وأتى المدينة في زمن أبي بكر رضي الله عنه. Et il est venu à Médine à l'époque du règne de Abu Bakr. Ça veut dire après la mort du prophète, prière et salut. كان شريح يبدأ الجلسة بهذه الجملة. شريح, le juge, démarrait toujours ses séances de jugement avec cette phrase. غدا سيعلم الظالم من الخاسر. Demain, l'injuste connaîtra qui est le perdant. Demain, le jour de la résurrection. غَدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَيَعْلَمُ الظَّالِمُ مَنِ الْخَاسِرِ إِنَّ الظَّالِمَ يَنْتَظِرُ الْعِقَابِ. L'injuste attend, certes, la punition. وَإِنَّ الْمَظْلُومِ يَنْتَظِرُ النَّصْرِ يَنْتَظِرُ النَّصْرِ. Par contre, la victime d'injustice attend la victoire. مرة قال له ابنه, une fois son fils lui dit, يا أبتي إن بيني وبين قوم خصومة فانظر فيها. Oh mon cher père, il y a entre moi et un certain nombre de gens un différent. Regarde, je vais te dire l'histoire. Regarde l'histoire, réfléchis et dis-moi est-ce que j'ai raison ou pas. فإن كان الحق لي قاضيتهم. Si le droit est de mon côté, je vais porter plainte. وَإِنْ كَانَ لَهُمْ الْحَقُّ صَالَحْتُهُمْ. Mais dans le cas où j'ai tort, je vais demander la réconciliation avec eux. فَلَمَّا سَمِعَ شُرَيْحَ الْقِصَّةِ. Lorsque شُرَيْحَ a bien entendu l'histoire de son fils avec ses gens, قال لولده انطلق فقاضهم. Il a dit à son fils, vas-y, porte plainte. فلما وقف الجميع أمام شريح القاضي, lorsque tout le monde, le fils et les gens, se sont mis devant le juge شريح, حكم لصالحهم ضد ولده. Il a donné gain de cause à ces gens-là contre son fils et non pas à son fils. فلما رجع شريح وابنه إلى البيت. Après le retour, ça veut dire du père, le juge et son fils à la maison, قال الولد لأبيه, le fils a dit à son père, فضحتني يا أبت. Oh mon père, tu m'as déshonoré aujourd'hui. والله لو لم أستشرك من قبل لما لومتك الآن. Par Dieu, dans le cas où je n'ai pas demandé ton avis au début, je t'aurais pas fait des reproches maintenant. فأجاب شريح. شريح a donné cette réponse, يا بني, ô mon fils, والله لأنت أحب إلي منهم. Par Dieu, je t'aime plus que ces gens-là. ولكن الله أعز علي منك. Mais j'aime Dieu plus que toi. لقد خشيت أن أخبرك بأن الحق لهم. J'avais peur dès le début de te dire que tu avais tort. فتصالحهم صلحا يفوت عليهم بعض حقهم. Et par la suite, tu allais demander une réconciliation qui peut peut-être enlever quelques droits à eux. فقلت لك ما قلت. C'était la raison pour laquelle je t'ai dit ce que je t'avais dit. ومرة أخرى كفل ابن شريح رجلا فقبل القاضي شريح كفالة ابنه. Une fois, une autre fois, le fils s'est porté garant d'un homme devant son père. Et son père, le juge, a accepté sa garantie. ومعد ذلك فر الرجل من القضاء. Et par la suite, l'homme a pris la fuite devant la justice. فسجن شريح ولده في مقابل الرجل الفار. شريح أخذ ولده وأدخله في السجن. مقابل الرجل الفار. هكذا كان شريح عادلا حتى ولو مع نفسه أو مع ولده. Et par la suite, شريح a emprisonné par sa propre main son fils en contrepartie de l'homme qui a pris la fuite. كانت هذه عدالة شريح. C'était là la justice et l'équité de شريح. أما تقواه. Mais en ce qui concerne sa piété, فقد سمع مرة رجلا يشتكي مصيبته أو يشكي مصيبته إلى صديق. Une fois, شريح a entendu un homme qui se plaignit de son malheur chez un ami ou à un ami. فأخذه شريح جانبا. شريح a pris la personne qui se plaignait vers un coin éloigné. وقال له, et lui dit, يا ابن أخي, ô mon neveu, إياك والشكوى لغير الله. إياك والشكوى لغير الله. Méfie-toi de la plainte en dehors de Dieu. فالرجل الذي تشكو إليه إن كان صديقا ستحزنه. L'homme auquel tu vas te plaindre, dans le cas où il s'agit d'un ami, tu vas le rendre triste. وإن كان عدوا سيشمت بك. Et dans le cas où il est un ennemi, il va se réjouir de ton malheur. انظر عيني هذه. Regarde mon œil, celui-ci. فوالله ما أبصرت بها شخصا ولا طريقا منذ 15 سنة. Depuis 15 ans, je n'ai jamais vu avec cet œil ni personne ni chemin. ولكني ما أخبرت أحدا بذلك إلا أنت في هذه الساعة. Et je n'ai jamais informé une personne à part toi en cette heure-ci. أنا سمعت قول العبد الصالح, يعني يعقوب عليه السلام. N'as-tu pas entendu la parole du serviteur vertueux? Il voulait dire Jacob, prière et sur lui, الذي قال في الآية, qui a dit dans un verset, إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Je ne fais que me plaindre uniquement à Dieu de ma tristesse et de mes soucis. وبقي شريح قاضيا 60 سنة في عهد عمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. Et شريح est resté dans son poste de juge pendant la période de Omar, de Othman, d'Ali et de Muawiyah, que Dieu soit satisfait sur l'ensemble. Ça veut dire qu'il a été confirmé par trois califes qui sont venus après Omar. Isma'u qissat Shuraih ma'a amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Écoutez maintenant l'histoire de Shuraih avec Ali, l'émir des croyants, que Dieu soit satisfait de lui. Ali, fils de Abu Talib. Iftaqada Aliyu dir'an azizatan alayhi. Ali a perdu une fois un bouclier qui était cher à lui. Thumma ba'da dhalika ra'aha fi yadi rajul min ahli ad-dimma. يعني أهل الذمة رجال سواء من النصارى أو من اليهود كانوا يعيشون في بلد الإسلام يسمون أهل الذمة أو ذميين. Et par la suite, Ali a repéré son bouclier un jour dans la main d'un dhimmi. Un dhimmi se disait pour les gens du livre, juifs ou chrétiens, qui vivaient sur la terre d'Islam. رأى الدمي يبيعها في سوق الكوفة. Il a repéré l'homme dhimmi en train de vendre son bouclier dans le marché de Koufa. فعرفها علي. Ali a reconnu son bouclier dès le premier regard. وقال, et il dit, هذه درعي. Il s'agit là de mon bouclier. سقطت لي عن جمل في ليلة كذا وفي مكان كذا. Ce bouclier qui est tombé de mon chameau dans telle nuit et tel lieu. فقال الكتابي, le dhimmi dit, بل هي درعي وفي يدي أمير المؤمنين. Ou plutôt c'est mon bouclier et il est maintenant dans ma main au émir des croyants. C'est-à-dire c'est pas le tien. فقال علي, Ali lui dit, إِنَّمَا هِيَ دِرْعِي لَمْ أَبِعْهَا لِأَحَدٍ. Il s'agit de mon bouclier que je n'ai vendu à personne, وَلَمْ أَهَبْهَا لِأَحَدٍ حَتَّى تَصِيرَ إِلَيْكِ. Je ne l'ai offert à personne afin que le bouclier devienne une propriété à toi. فَقَالَ الرَّجُلُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَاضِ الْمُسْلِمِينَ. L'homme dit, مِي, lui dit, entre moi et toi se trouve, où on va choisir le juge des musulmans. فَقَبِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ Ali radiyallahu anhu, et l'émir des croyants Ali a accepté cette offre. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى شُرَيْحَ الْقَاضِي. Et ils sont partis voir Shuraih le juge. وَفِي الْمَحْكَمَةِ, dans le tribunal, قَالَ شُرَيْحْ لِعَلِي. Shuraih dit à Ali, مَا تَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. Qu'est-ce que tu racontes au émir des croyants. Fahaka Ali al-Qissa. Ali a raconté toute l'histoire. Fakala Shuraih le Rajul al-Kitabi. Et Shuraih dit à l'homme dhimmi, wa ma taqulu anta ayyuha al-Rajul. Et qu'est-ce que tu dis au toi homme? Fakala ad-dir'u dir'i. Wa hiya fi yadi. Le bouclier m'appartient et il est maintenant dans ma main. ولا اتهم امير المؤمنين بالكذب. Mais en même temps je n'accuse pas l'émir des croyants du mensonge. فالتفت شريح الى علي وقال له. À ce moment-là شريح se retourna vers Ali pour lui dire, لا ريب عندي في انك صادق فيما تقوله يا امير المؤمنين. Sans aucun doute, pour moi, tu es véridique, tu es sincère dans ce que tu as avancé au émir des croyants. Et il n'y a pas de doute pour moi que le bouclier t'appartient. Mais il te faut deux témoins qui vont témoigner sur ce que tu as prétendu. Faqala Ali, naam. Ali lui dit, oui, pas de problème. Indi Abdi Qambar wa waladi al-Hassan. J'ai deux témoins, mon serviteur Qambar et mon fils al-Hassan. Faqala Shuraih. Shuraih lui dit, walakin shahadat al-ibn li abi la tajuzu ya amir al-mu'minin. Il lui a dit, mais le témoignage d'un fils en faveur de son père n'est pas légal. n'est pas valable au émir des croyants. Faqala Ali, ya subhanallah, Ali lui dit, oh gloire et pureté à Dieu, rajulun min ahli al-jannah, la tajouzu shahadatuh, un homme du paradis, son témoignage est refusé. Ama sami'ta anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, n'as-tu pas entendu que le messager de Dieu a dit Al-Hassan wal-Hussein sayyida shabab ahli al-Jannah, comme quoi Al-Hassan mon fils et Al-Hussein mon deuxième fils sont les maîtres de la jeunesse du paradis. Faqala Shurayh lui dit, bala ya amir al-mu'minin, si ô émir des croyants, j'ai entendu ce hadith. Ghayra anni la ujizu shahadat al-walad li abi. Mais malgré ceci, moi je n'accepte pas le témoignage du fils en faveur de son père. Wa huna iltafata Ali karrama Allah wajhahu ila ar-rajul ad-dimmi. Là, Ali, que Dieu anoblisse son visage, se retourna vers l'homme dhimmi wa qala lahu, et lui dit, khudha, prends-le. فَلَيْسَ عِنْدِي شَاهِدٌ غَيْرَهُمَا, je n'ai pas d'autre témoin à part ces deux. Prends le bouclier. فَقَالَ الدِّمِّي, et le dhimmi a dit à ce moment-là, وَلَكِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ الدِّرْعَ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ, mais moi je témoigne que le bouclier t'appartient au émir des croyants. يَا اللَّهُ, oh Allah, يَقِفُ مَعِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَمَامَ قَاضِيهِ, l'émir des croyants se met à côté de moi devant son juge, et son juge donne gain de cause à moi. J'atteste, je témoigne que la religion qui ordonne cette chose est une religion véridique. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, je témoigne qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son envoyé. I'lam ayyuha al-qadi, sache au juge, anna dir'a amir al-mu'minin, que le bouclier appartient vraiment à l'émir des croyants. Saqatat an jamalihi al-awraq, ce bouclier est tombé de son chameau gris, yani al-awraq al-ramadi, wa huwa fi tariqihi ila Siffin, lorsqu'il était dans son chemin vers le lieu géographique Siffin, qui se trouve à côté de la Syrie. Fa akhadtuha, et j'ai ramassé le bouclier. Fa qala Ali radiyallahu anhu, à ce moment-là Ali, que Dieu soit satisfait de lui, dit, ama وَإِنَّكَ أَسْلَمْتَ فَإِنِّي وَهَبْتُهَا لَكَ, mais comme tu es devenu maintenant musulman, je te l'offre, je t'offre mon bouclier. وَوَهَبْتُ لَكَ مَعَهَا هَذَا الْفَرَصْ أَيْضًا, et je t'offre en plus mon cheval-ci. وَبَعْدَ ذَلِكَ, par la suite, شُوهِدَ الرَّجُلْ يُقَاتِلُ الْخَوَارِجِ تَحْتَ رَايَةِ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ, par la suite, on a vu, on a repéré l'homme combattre les kharijites sous le drapeau de Ali, que Dieu soit satisfait de lui, hatta saqata shahidan, jusqu'au point de tomber martyr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafur ar-rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, après ceci, serviteur de Dieu, أذكر ببعض النقاط التي تخص العدالة في الإسلام. Je vais rappeler quelques points qui concernent la justice en islam. النقطة الأولى, le premier point, قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. Ou vous qui avez cru, pratiquez constamment la justice et soyez témoins pour Dieu, même contre vous-même ou contre les deux géniteurs ou les proches. S'il s'agit d'un riche ou d'un pauvre, Dieu est plus apte à les prendre en considération que vos passions ne vous amènent pas à être injuste. وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Si vous tournez, ça veut dire autour de la vérité, ou que vous vous refusiez, ça veut dire à la dire, Dieu est certes parfaitement au courant de ce que vous faites. الإسلام يأمر بالعدل بين الغني والفقير. L'islam ordonne la justice entre le riche et le pauvre. وأن لا نفضل الغني لغناه, et qu'on ne préfère pas le riche pour sa richesse. أو نفضل الفقير لفقره, et qu'on ne préfère pas le pauvre pour sa pauvreté. وأن نقول الحق ولو ضد أنفسنا. L'islam nous ordonne de dire la vérité même contre nos propres personnes. أو ضد والدينا, ou même contre nos parents. أو أقاربنا, ou même contre nos proches. أو أصدقائنا, ou bien même contre nos amis. وأن لا نتبع الهوى المؤدي للظلم, et on ne doit pas suivre les sentiments ou la passion qui mène vers l'injustice. ثانيا, النقطة الثانية, deuxième point. قال تعالى, Dieu le Très-Haut dit, يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. بالحق, بالعدل. Ô vous qui avez cru, veillez avec loyauté à l'application de la loi de Dieu et témoignez en toute justice. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. شنآن يعني الكره, البغض, العداوة. إذا كنت العدو لإنسان مش لأنك عدو, ستنتقم منه ولا تكن عادلا معه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. Que votre aversion ou bien haine pour un peuple ne vous porte pas à ne pas être injuste. اعدلوا هو أقرب للتقوى. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Craignez pieusement Dieu, car Dieu est parfaitement au courant de ce que vous faites. فالإسلام يأمر بالعدل حتى مع العدو. L'islam ordonne d'être juste même avec l'ennemi. فلا تدفعك عداوتك وبغضك لشخص أن تظلمه. Que ta haine, que ton inimitié pour une personne ne te pousse pas à être injuste avec elle. وهذه قمة العدالة, et il s'agit là du sommet de la justice. ثالثا, le troisième point, قال تعالى, Dieu le Très-Haut dit dans un verset, ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Ne mangez pas vos biens entre vous injustement, et ne les donnez pas aux juges pour manger une partie des biens des autres en pur péché, alors que vous savez que vous êtes dans votre tort. وَلَقَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي. Et le prophète, prière et sagesse, lui a maudit le corrupteur et le corrompu. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم. Ce hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud, al-Tirmidhi qui l'a authentifié, Ibn Majah, Ibn Hibban et al-Hakim. فا فالإسلام يحرم الرشوة لأخذ أموال الناس ظلما. الإسلام interdit catégoriquement la corruption afin de prendre les biens des gens par injustice. رابعا, quatrièmement, قال الله تعالى, Dieu le très haut dit dans un verset, ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. Si ceux qui avaient commis l'injustice avaient tout ce que contient la terre et autant que lui en sus, il les donnerait à coup sûr en rançon pour se soustraire au tourment du jour de la résurrection. يوم القيامة يبدو لهم من الله ما لم يكن لهم في حسبان وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. C'est là que leur apparut de la part de Dieu ce qu'ils ne mettaient guère en ligne de compte. وبدا لهم سيئات ما كسبوا. Ils virent devant leurs yeux les mauvaises conséquences de leurs acquis. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Et ils furent frappés de tous côtés par ceux qui étaient l'objet de leur moquerie. لا يغرنك مالك. Ne sois pas induit en erreur à cause ou par ta fortune. Ne sois pas trompé par ta fortune. La yaghurrannaka jahuk. Ne sois pas induit en erreur par ton pouvoir. La taghurrannaka quwwatuk. Ne sois pas induit en erreur par ta force. Fatadlim annas. Et par conséquent, tu te comportes comme injuste avec les gens. Fad-dunya sa'ah. La vie ici-bas n'est qu'une heure. Thumma tajidu nafsaka amam Allah. Et après, tu vas te retrouver devant Dieu. Et tu vas regretter tes injustices. فَلَوْ كَانَ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْكُ الدُّنْيَا مُضَاعَفًا مَرَّتَيْنِ وَأَرَدْتَ أَنْ تَفْدِي نَفْسَكَ بِهِ. Dans le cas où le jour de la résurrection, tu auras deux fois le royaume du monde afin de te racheter devant Dieu. فَلَنْ يَقْبَلَ اللَّهُ مِنْكَ. Dieu n'acceptera pas ceci de ta part. وَالْمَصِيرُ جَهَنَّمُ. Et le destin sera la GN. فَلِمَادَ تَظْلِمُ الْيَوْمُ لِتَنْدَمْ غَدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Pourquoi, frère ou sœur, es-tu injuste aujourd'hui afin de regretter le jour de la résurrection? أخي, أختي, frère, sœur, لا تظلم نفسك. Ne sois pas injuste avec ta propre personne. أكل الحرام, la consommation du haram, de l'interdit. الخمر أو المخدرات, le vin ou bien les drogues. ترك الصلاة, l'abandon de la prière. ترك الصيام, l'abandon du jeûne. السحر, la sorcellerie, إلى آخره, etc. لا تظلم زوجتك. Ne sois pas injuste avec ta femme. لا تظلم زوجك. Ne sois pas injuste avec ton mari. La tadlim walidayk wa la awladak. Ne sois pas injuste à l'égard de tes parents ou bien à l'égard de tes enfants. Wa la asdiqaak. Et non plus à l'égard de tes amis. Wa la tadlim hatta a'da'ak. Ne sois pas injuste même à l'égard de tes ennemis. Kun adilan tul hayatik. Sois juste pendant toute ta vie. Wa sayuhibbuka Allah. Et Dieu va t'aimer. Li'annahu la yuhibbu adh-dhalimin. Parce que certes, il n'aime pas les injustes. Wa fil akhir aqul. Et à la fin, je dis. Al-adala mu'ashirun ala al-iman fil mujtama'at al-islamiyya. La justice est un indice de la foi et de la croyance dans les sociétés musulmanes. Fa wujudu al-adala دليل على وجود الإيمان. La présence de la justice est un argument qui justifie la présence de la foi. وغياب العدالة ووجود الرشوة والظلم دليل على غياب الإيمان. Mais la présence, mais l'absence de la justice et la présence de la corruption et de l'injustice est une preuve de l'absence de la foi. ومن كان ظالما, et celui qui est injuste, فليتوب بسرعة إلى الله. Il n'a qu'à se repentir rapidement vers Dieu. وليرد الحقوق إلى أصحابها. Et il n'a qu'à rendre rapidement les droits aux ayants droit. فإن الله غفور رحيم. Et par la suite, Dieu est toujours absoluteur et miséricordieux. قال تعالى, il dit dans un verset coranique, فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. Celui qui revient au droit chemin après son injustice et fait réparation, Dieu accepte alors son repentir. Inna Allaha ghafurun rahim. Certes, Dieu est essentiellement absoluteur et miséricordieux. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il al-muslimin. Allahumma inni da'in fa'aminu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina wa al-afwa wa al-afiyah fi al-din wa al-dunya wa al-akhirah. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت, نسألك في هذا اليوم أن ترفع الظلم عن المستضعفين. اللهم إنا نسألك اليوم أن ترفع الظلم عن عبادك المسلمين في كل بلاد الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كفانا من الظلم, اللهم كفانا من الظلم. يا من بيده النصر, انصر إخواننا في كل بلاد الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل عليهم السكينة والرحمة والسعادة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت, لا تجعلنا من الظالمين. يا رب اجعلنا من أهل العدل. يا رب اجعلنا طول حياتنا من أهل العدل لا من أهل الظلم برحمتك يا أحكم الحاكمين. ويا رب المستضعفين, يا من لا إله إلا هو, نسألك في هذا اليوم أن تسلم وتصلي على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.